une petite plage bleue, pleine de mer et de soleil, une petite plage bleue, et des enfants qui s'émerveillent. Une petite plage heureuse, vivante et gaie sous le soleil. Une petite plage heureuse aux arbres de paradis par le ciel, où la mer doucement s'étire juste avant de se retirer, par le commande de la marée. Ses voiles blanches et cette mouette s'accrochant sur le bas du ciel, ces cris d'enfants et cette fête se balle à nul autre pareil. Cette paix bruyante et profonde des rires et des jours de l'été. Une petite plage d'or, de sable fin sous le soleil, une petite plage encore, et des amants qui s'émerveillent. Et cette plage qui se vide à l'heure de midi sonné, et ces deux amants qui s'attardent comme sans doute pour fixer, dans le silence qui s'installe autour de leur félicité, comme un moment d'éternité. Comme si on ne faisait que naître, grand amour, fatalité. Si le temps avait cessé d'être, toutes pendules arrêtées. Et comme écrasé par l'ivresse d'un Eldorado révélé. Une petite plage nue, sous le ciel bas d'un long hiver. Une petite plage nue, pleine de souvenirs d'hier. Elle attend, patiente et sereine, que revienne un autre été. Elle attend, patiente et sereine, d'autres amants émerveillés. Peu lui importe ce qu'adviennent ces amours qu'elle a bercés et qui n'ont duré qu'un été. Et puis, dit-on que le temps passe à la vague sur le rocher. Et puis, dit-on que tout s'efface au sable qui nous vit passer. Étale-t-on ses déchirures devant la nature apaisée. Une petite plage horaire, sous le ciel pur d'un soir d'été. Une petite plage horaire, pleine d'étoiles et de clarté. Et cette fille qui m'attendait, cachée blottie dans les rochers, qui sitôt que j'apparaissais, s'élançait vite pour danser. Et mon cœur s'arrêtait de battre dans l'éblouissante clarté de ces minutes éternité. Et la mer brûlait sous la lune de 100 000 feux allumés. Et les étoiles au ciel superbe faisaient une fête beauté. Son corps tout noyé sous la lune, au bord de l'irréalité. Cette fille, c'était toi. Cette fille, c'était toi.